directement de 2002. Bienvenue à C'était fou. Bonjour et bienvenue à l'émission C'était fou, mon nom est Mathieu Plante. C'était fou pour mission de se frayer un chemin à travers la grandiose discothèque de C'est fou depuis ses débuts en septembre 97. À chaque fois qu'on se rencontre, une semaine est choisie. Cette fois-ci, c'est la semaine du 7 au 13 juin 2002. On entendra des extraits des top 3 francophones et anglophones avec des artistes et des groupes comme les Cowboys Fringants, Miro, Mogilny, The Full Nine, Synergy et Heather. Alors, une belle ère de nostalgie pour les auditeurs de longue date et des découvertes pour les nouveaux. Et pour moi, parce que, comme je le mentionnais dans la précédente édition, je suis arrivé en 2004, donc ce qu'il y a avant ça, je ne connais pas tant que ça. Même s'il y a des trucs qui jouent, encore une fois, pendant l'émission, pendant la journée ici à C'est fou. Voilà. Alors, on débute l'émission, comme toujours, avec nos top franco et anglo. Top 3, il va y avoir du côté francophone tout à l'heure, Mogilny avec l'homme poule. Mais on débute du côté anglophone, voici Heather et une pièce de l'album Ventilate, c'est Save Your Face au 89 FM. C'était fou. Thank you. croisé dans l'avion. C'est bien, on connaît les membres du groupe maintenant, c'est super. Mogini avec l'homme poule, position numéro 3 du côté francophone pour la semaine qu'on a choisie dans C'était fou, c'est celle du 7 au 13 juin 2002. Avant ça, on a entendu du côté anglophone Heather avec Save Your Face de l'album Ventilate. Quelques petits faits divers à mentionner sur les deux groupes. Heather, un seul disque pour eux. Malheureusement. Du côté franco, Mogilny, un seul disque aussi, joueur de hockey russe, c'est l'inspiration pour ce nom, pour le groupe, évidemment. Donc, Alexander Mogilny, 5 pieds 11, 200 livres, 1032 points dans la Ligue nationale. C'est intéressant, on aime ça. On va passer aux deuxièmes positions. Du côté anglophone, tout à l'heure, on va avoir Synergy avec Me, Myself, My Enemy de l'album Suicide by My Side. Mais on débute avec Miro, un artiste français. Voici Réaction en chaîne à C'était fou au 89 FM. Tu ne te rends pas compte, mais la maison que tu habites n'est pas ta propre maison. Non, tu ne te rends pas compte, mais la vie que tu mènes n'est pas la véritable vie. Tu ne te rends pas compte, mais la femme que tu aimes n'est pas la plus belle femme au monde. Mais tu ne te rends pas compte, mais la main que tu sens dans ta poche n'est pas ta propre main. Mais tu n'as pas l'air de comprendre, mais l'air que tu respires n'est pas l'air le plus propre au monde. Shark. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. aujourd'hui tu vas mourir. Mais avec le sourire. I'm the man, I'm the man. Pratiquement femme et la femme de mon porte. Je suis un véritable lapin fouste. Je crois que je vais accrocher le fox. I'm the man, I'm the man. You get a whiz, but you give a mic a bounder. You get tracks, but there isn't a loader. You get style, but there isn't a vulture. I'm the man, I'm the man. Numéro 2. Synergy avec Me, Myself, My Enemy de l'album Suicide by My Side, la position numéro 2 du côté anglophone pour la semaine du 7 au 13 juin 2002. C'est la semaine qu'on a choisie pour cette édition de C'était fou. Parlons un petit peu de Synergy, hein, pourquoi pas. C'est du métal, vous l'aurez remarqué, avec une voix féminine, la voix de Kimberly Goss. C'est un groupe finlandais défunt. Avant ça, on a entendu le chanteur français Miro avec réaction en chaîne de l'album La Voix du Vaurien. On est rendu aux positions numéro 1 de chaque côté, hein, dans cette édition de C'était fou, où on rembobine C'est fou. Du côté francophone, tout à l'heure, on va entendre les Cowboys Fringants avec Heavy Metal de l'album Break Syndical. Mais on débute avec The Full Nine. Voici 14 au 89 FM. C'était fou dans vos oreilles. C'était pas le slogan à ce moment-là, mais c'est quand même vrai. Charnu qui cherchait de quoi rouler. C'est à qui le beau bébé lui demanda subtilement du B. On l'a fait monté dans ma chine et on est parti de reste à peine. Sur la 40 vers Trois-Rivières, on a roulé sur un nowhere. Avec la cassette de Hansi qui jouait dans le tapis. Bon, dans le maillot, faisait signe du devil. Elle a spoté en une chanson rebelle. Ça a vu le tout pour et on s'est embrassé sur le bout. Merci que t'étais belle avec tes Adidas gazelles, tes cheveux longs avec des tresses qui pendaient jusqu'aux fesses. C'était aimé le temps d'un été en écoutant du Foreigner. Dans mon appart de la rue Broadway, je te jure que tu m'as brisé le cœur. On s'est donné des gros French kiss tout l'été sur le sofa. On se prend des films de Chuck Norris sur mon vidéo beta. On haïssait des pêches modes et la musique de tapette. On fumait des exportés vertes en écoutant Voivod. Pendant les vacances de la construction, je l'ai amené camper sa plage. Écouter le chant des Wawaron et se faire griller les tatouages. Avec ses shorts en jeans stretchés, elle avait la strap d'ampoulie. Toi, je me promenais à ses côtés, le crucifix dans le shaggy. Le matin, elle allumait tout le camping. Quand elle sortait la roulotte en G-string. Et de la coro m'apparaissait soudainement si beau. T'étais belle avec tes Adidas gazelles, tes cheveux longs avec tes tresses qui pendaient jusqu'aux fesses. On s'est aimé le temps de l'été en écoutant du Foreigner. Dans mon appart à rue Broadway, je jure que tu m'as brisé le cœur. Que je pense que c'était pendant E.T. Elle m'a fait prendre toute une débarque quand elle m'a dit que c'était fini. Elle était enceinte d'un moron, un gars avec une coupe champignon. Il jouait de la guitare piano dans un groupe de techno. Le lendemain, j'ai viré une brosse des bleachers aux stades olympiques. Pendant le super motocross avec mes chums de bicycle. Quand je suis revenu à maison, je savais bien que c'était over. Surtout que j'ai retrouvé dans le salon son long jeu de Foreigner. J'ai revu une fois, c'est en 87. Elle avait la coupe, la chanteuse de Roxette. Elle était rendue réseau, elle apportait un genre de soupe pastel. Merci que t'étais belle avec tes Adidas gazelles. Tes cheveux longs avec tes tresses qui pendaient jusqu'aux fesses. C'était mille temps de l'été en écoutant du Foreigner. Dans mon appart à rue Broadway, je jure que tu m'as brisé le cœur. C'était tu m'as pas mal. Les Cowboys Fringants et la pièce Heavy Metal de leur album Break Syndical dans C'était Fou, l'émission qui rembobine C'est Fou au 89.1 FM. Juste avant ça, non, attends un petit peu, on va se calmer les pompons ici. Numéro 1, donc, du côté franco, pièce très très bonne, très très drôle. Avant ça, du côté anglo, on avait entendu nos amis de The Phone Line et la pièce 14. Et ça, ben, c'est une chanson radio très accessible, vous l'avez remarqué aussi. Hein. C'était au début du bloc tout à l'heure. C'est la fin de la première moitié de C'était Fou, on se retrouve dans quelques minutes avec une deuxième partie. Et là, on a terminé le top 3, donc on va plonger dans le restant du top 10 francophone, du top 15 anglophone, et on va aussi mentionner le top canadien, le top électronique et le top modern rock à l'époque. Donc reste avec nous, C'était Fou au 89 FM. Très C'est Fou dans vos oreilles. 89. Bon, donc c'est la deuxième partie de C'était Fou, émission qui rembobine C'est Fou dans une semaine choisie, et cette fois-ci la semaine du 7 au 13 juin 2002. Des pièces d'été, c'est rare qu'on sort les palmarès d'été. Je trouve ça très, très bien. Et on essaie de varier les années de semaine en semaine. Donc, des fois, c'est des semaines plus récentes, des semaines plus vieilles au début de la station, en 97, très, très récemment. C'est de la variété. Varietas, comme on pourrait dire. On continue avec notre deuxième partie d'émission. Évidemment, on commence avec le Karloff Orchestra et l'album Fucking Shit Baby Love. En quatrième position francophone, voici Riff Commercial. c'était fou. Ouh. Nous avions peaufiné un riff vachement commercial et nous l'avions fait péter dans les nightclubs de Montréal. Une compagnie de disques s'est empressée de nous signer. Elle disait « Vive les artistes! » Ils nous ont vite retapé. Et depuis ce jour fatidique, nous faisons tube après tube et nous vivons millionnaires, prisonniers de notre calvaire. Tu veux-tu une mélodie banale? Nous avions structuré un groupe vachement commercial. Et nous l'avions exploité au maximal. Se dit mal, nos formules gagnées d'avance, plus le basement général, nous perdîmes vite notre avance. Et ça, ben ça nous tombe dans le moral. Chacun eut son égo trip, à chacun son disque solo. Et depuis ce jour fatidique que nous faisons bid après bid, et nous vivons en has-been en attendant un comeback. Une vie normale. Tu veux-tu un riff commercial? Tu veux-tu une mélodie banale? Et je vais t'en faire un bien ramolli, vachement sucré, poupée. Tu tu sauras. Tu sauras. Eh bien, hein? C'est pas vraiment besoin de dire mon opinion là-dessus. J'imagine que vous pensez la même chose que moi. Julie Doiron avec la pièce Au contraire. C'était la position numéro 5 du palmarès francophone pour la semaine du 7 au 13 juillet 2002. Et fait très intéressant et très surprenant aussi. Ça a duré ça 20 semaines sur le palmarès. Même plus de 20 semaines. On me dit au moins 20 semaines. Ça, il se passe absolument rien pendant un été à un moment donné, donc la pièce est restée très longtemps. Elle a été numéro 1 très longtemps du palmarès francophone aussi. C'était donc Julie Doiron sur l'album Désormais. C'est un genre particulier, je trouve. Avant, on a écouté le Karloff Orchestra et la pièce Riff Commercial en quatrième position sur l'album Fucking Shit Baby Love. Et ça, Karloff Orchestra, c'est leur première pièce qu'on a eu sur nos palmarès. Ça a joué beaucoup. Ça a été un artiste de prédilection pendant très longtemps, ce Karloff, et avec son orchestra aussi. Un artiste apprécié encore aujourd'hui et qui roule fréquemment dans les différentes émissions de C'est fou 89,1 FM, la 2 campus de Trois-Rivières. Le prochain bloc va débuter avec la formation Rival Schools, qui se trouvait à être en cinquième position anglophone. C'est la pièce Used for Glue de l'album United by Fate. Et ça, Rival Schools, c'est du rock alternatif. Ils ont fait deux albums. Ils ont fait un album au passé et un au futur, parce qu'apparemment qu'un autre album de Rival Schools s'en vient cette année en 2011, donc surveillez ça. On les écoute tout de suite. Voici leur pièce de l'album United by Fate au 89.1 FM. C'était fou et ça, ben ça se trouve à être dans vos oreilles, je trouve. Pas mal, juste pour être sûr que c'est bien la bonne pièce que je mets là. Tu vois, j'allais pas mettre la bonne. Tombe bien que je regarde ça, hein? C'était fou, comme cette émission là, hein, ça décrit la musique, c'était fou, ça décrit l'émission et l'animation aussi, c'est... Il y en a un, c'est dans le bon sens ou dans le mauvais sens, je vous laisse deviner lequel. Days of conflict, you've been in trade.

Andrew W.K., She is Beautiful de l'album I Get Wet. C'était la position numéro 7 du palmarès anglophone pour la semaine du 7 au 13 juin 2002. C'est la semaine qu'on avait choisie pour cette édition de C'était fou. Vous connaissez Andrew W.K., Got a Party, avec des musiciens d'un groupe de métal extrême qui jouent avec lui. Je savais même pas ça. C'est bien. Avant, on a entendu une idée, et ça, c'est la formation. Donc, le chiffre 1, la lettre I et la lettre D, ça fait une idée. C'est comme un genre de jeu de mots, mais qu'il faut expliquer à la radio. Ça n'a pas vraiment de sens. Ça, c'est tout ce qu'ils ont fait, leur album X. Juste X comme ça. Essayez de trouver ça sur Google, voir un ID avec X. Pas sûr que vous avez trouvé ça. Mais bon, c'est quand même très très bon. La pièce 8e jour était en 6e position du palmarès francophone à ce moment-là. Il nous reste encore du temps pour un bloc minuscule qu'on va aller se faufiler comme ça dans les oreilles. Ça va être pas mal bon, je pense. On va entendre tout de suite Deadzy en position numéro 15 anglophone. C'était une nouvelle entrée de leur album Commencement. Voici The Key to Gramercy Park. I got the key to Gramercy Park. It wasn't meant to be starved. Face, white, revenge of the Hittites. When you were inside and you thought to take a walk in the park, think someone's about to be carved. Up on the other side of the undersea, to the boulevard of broken dreams, to find the key to Gramercy Park. I got the key to Gramercy Park. Oh, where is it to be afraid of the dark? Maybe there we can find the heavenly stars. But I might miss bringing it to the bars. Up on the other side of the undersea, to the boulevard of broken dreams, to find the key to Gramercy Park. Any other time, my mother's been through evil eyes and make-believe. So where are we now? The Gramercy Park. I got the key to Gramercy Park. Oh, where is it to be afraid of the dark? Or maybe there we can fly to the heavenly stars. But I might miss breaking into the bars. Another look at the other place. Stay with us, pristine and touches you. Out of the palace entryway. Something that could mean so much to you. Eyes never seen the golden cage. The medium mass has yet to still say. To simply pass or rush from the grave. Grimmskunk et la pièce Suis Comatose de l'album Seventh Wave en 10e position du palmarès francophone pour la semaine du 7 au 13 juin 2002. Avant ça, on a entendu Dead Z avec The Key to Gramercy Park de l'album Commandsman qui était une nouvelle entrée en 15e place à ce moment-là. Avant de terminer l'émission, parce que oui, on a fini de passer des pièces, pas mal à la fin de l'émission, là, ça s'en revient, on va faire un petit tour de ce qui s'est passé ailleurs dans les palmarès lors de cette semaine du 7 au 13 juin 2002. Commençons par le top 3 des disques canadiens. En troisième, c'était Choke avec There's a Story to This Moral. En deuxième, l'artiste local Steve Hill avec Domino. Et en première place, c'était 50 Nuts avec The Last Word. Dans le top électronique, en troisième, c'était Loudboxer. En deuxième, Some Days in My Life. Et en première, As If to Nothing. Oh, pardon, ça, c'était les titres. Eh bien oui. Speedy J en troisième, Gardner en deuxième et Craig Armstrong en première. Ça aurait plus de sens. Dans le top 30 des albums Modern Rock, et top qui n'existe plus, qui s'appelle maintenant le top 30 des albums, là. Donc, en troisième position, c'était The Full Nine avec The Full Nine. En deuxième, Rival Schools avec United by Fate. Et en première, c'était The Apex Theory avec Topsy Turvy. Voilà pour les autres palmarès. Comme je disais, c'est la fin de l'émission. C'était fou pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la prochaine fois avec une autre semaine choisie au hasard. D'ici là, je vous rappelle que vous pouvez retrouver les notes de l'émission et télécharger les balados de diffusion sur assemblagerocky.com. Je remercie le directeur de la programmation et directeur musical Alain Lefebvre pour son aide à la recherche, comme toujours. Moi, c'est Mathieu Plante. Enchanté de vous connaître. Et jusqu'à la prochaine fois, oubliez pas que c'est pas parce que l'émission s'appelle C'était fou que ça ne l'est plus. Hein? Ça ne l'est plus? Bon. On se quitte avec une pièce de Télémac. Une frite, l'amour à la sauce américaine, ça n'a rien à voir avec la semaine choisie, c'est juste une pièce bonus. Et puis, c'est ça. Bye! Vite de même. Pas de formalité ici. est-ce que tu me donnes une frite? Est-ce que tu me donnes une frite?